Chapitre 365. L'interdiction pour l'homme de porter un habit teinté de safran. 1798. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit aux hommes de porter des vêtements teintés de safran. Al-Bukhari et Muslim. 1799. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, a dit: le prophète, alayhi salatu wassalam, a vu sur moi deux vêtements teints avec du kartam, plante utilisée en teinture jaune ou rouge. Il m'interrogea alors: est-ce que c'est ta mère qui t'a ordonné de les porter? Je demandai: dois-je les laver? Brûle-les plutôt, m'ordonna-t-il, alayhi salatu wassalam. Dans une autre version: ce sont les vêtements des mécréants, ne les porte pas. Muslim.